La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Le premier bloc a vraiment donné. Moi, j'ai toujours donné. Avec King Can the Shrills. Comment? King Can the Shrills avec Destroyer. La mort de Bûcheron et la première pièce musicale, Françoise Hardy, Chant d'honneur. Ténéon, Léon, longe l'ombrage qui rase la base du volume, élargie, gisant au sol, mort dans la noirceur, oublié par le recouvrement lumineux, la source éclairante, le reste de la masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'encore et encore, plaçons les pendules à l'heure, repassons sur une histoire comme un laboureur. Sur une histoire, laquelle? L'histoire du petit qui cherche l'oisillon et qui trouve les femmes. Oh! On la connaît, l'histoire. C'est une histoire prête à porter, une histoire préfabriquée pour toi, mon amour. Pour toi, mon amour. C'est une histoire bien sympathique, mais plaisastique, sans réglisse. Dis-moi pourquoi t'es pas là, mon amour. Mon amour, mon amour. Depuis le temps que je n'ai plus, depuis le temps que tu n'as plus, je cherche la petite fille. Petite fille, qui sombront creux de ton cœur, qui sombront creux de ton cœur, et ton cœur cherche la rumeur, et ton cœur cherche la rumeur de réverbère se débouche la dernière bière, la dernière bière, quand tu lui dis pourquoi viens-tu à cette heure si c'est indigu, c'est indigu. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisitée ici et maintenant. Ah, ah. Et ça, c'est une chanson qui va rester toute la semaine hein, dans notre tête. Françoise Hardy. Ah, ah. C'est, est-ce que ça vous donne le goût là, de réentendre encore? Là? Ah, ah. Ah, moi, ça... Non, c'est pas celle-là, c'est... Ah, ah. C'est... Écoutez bien. C'est trop, la coupe est pleine. Mauvaise nouvelle, catastrophe à la chaîne. Où l'on voudrait disparaître, mettre un terme à cette vie de labeur et de peine. Sans plus de remords, sans plus de remords. Qu'un vieux cheval mort, qu'un vieux cheval et que mort. Tu tombes ou non, au champ de neuf. Pas plus de vaincu que de vainqueur. Avec des fleurs. Ah, c'est vrai, ça va nous rester dans l'oreille. Ah, oh, c'est. Arrête d'accorder. Hey Raymond, arrête d'accorder ta guitare parce qu'on n'en a plus le temps. Parce qu'il faut raconter cette encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré, relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Et c'est le temps de Vitus Bering. Virtus! Oui, Je vire. Allez, mon Virtus, vire. C'est votre tour, monsieur Gagné. Oui, c'est... est-ce que... Pardon? On nous a demandé dans le haut-parleur, on n'a pas entendu. Nous sommes rendus à votre tour, monsieur Gagné. Oui. Veuillez pénétrer. Monsieur. Simone, ferme le haut-parleur. Ils vont nous redemander de pénétrer, on veut pas pénétrer. On veut raconter l'histoire de Virtus Bering. Vous connaissez l'étude des bois bibing? Pardon? Nous sommes rendus à votre tour, M. Gagné. Hein? Veuillez pénétrer. Oh, monsieur. Alors, c'est Virus Bering. Bering. Qui connaît Bering? Madame Tremblay, connaissez-vous Bering? Moi, mon mari me dit que sa voiture n'a plus de Bering. Non, c'est... des Bering, c'est quoi? C'est des ressorts? C'est des ressorts, les Bering. Des Bering ressorts. Non, ça ne ressort pas de lui, le Virus Bering. C'est un Danois. Ça, c'est des beaux chiens. Hein? Non. Elle nous met dans le trouble. C'est pas des chiens qu'on parle, c'est les Danois de Danoisie. Pas les Danois de Danoisie. Ben oui, vous les, est-ce que vous en connaissez des Danois de Danoisie? Et ça vous resplendissez d'intelligence. Des Danois de Danoisie? Je connais des Danoises. Ah, c'est bon, ça, des Danoises. Deux Danoises, maminoises. Bien tassées. Tassez-moi ça, ma belle Danoise. On aime ça comme ça. Une touffe de crème. Une touffe de... Lâche la touffe, la crème. Ouais, donc. Alors, Virus Bering, Danois. Un Danois de 1000... Il est né, on nous a fait croire, de 1681 à 1741. Il a, soi-disant, les grandes langues, les mauvaises langues. Les langues bien pendues. Parle-moi-le avec... on n'a jamais vu... c'est vrai, ça. Arrêtez! Coupez! C'est là que ça se passe! On n'a jamais vu, dans toute l'histoire du monde, depuis le début, là, depuis le... je suis quelque chose. C'est Arismot, hein, puis c'est Dromalaire, puis l'autre, là, comme, Sobat, et puis Pariscrotte, tous ces grands penseurs, philosophes, ne se sont jamais penchés à se demander. Ben oui, ils ont eu mal au dos hein, pour ramasser des pierres, mais on n'a jamais vu quelqu'un se faire pendre par la langue. Ou pendu par des langues. Des langues de cojones, des langues de cojones. C'est vrai, c'est quand même assez incroyable. Virus Bering, un Danois de Danoisie, 1681-1741, a explosé. J'espère que non, le gros coche. Non. Il a exploré le Kamanchankakan. On a des messages. Ils s'en viennent. Les extraterrestres arrivent encore, ils vont nous envahir, nous chercher, prendre notre intelligence. Il n'y en a pas d'intelligence d'extraterrestres, d'intelligence non plus, il n'y a rien sur la planète bière. N'allez pas sur la planète bière, reculez les extraterrestres, n'allez pas ici, toutes les BS, reculez-vous, toutes les assistées trop tôt, allez ailleurs, allez chez le diable. Il a tout chez le diable. Alors, Virus Bering, Danois, 1681-1741, a exploré. Pensez pas d'exploser, toi. Oui, a exploré le Kamanchataka. Attends, le Kamatkatablanc. Comment capable de dire ça? Kamchatka. On dirait que j'ai goût de cracher. Je vais vous l'appeler après. Kamchatka. Kamchatka. Pas facile! Ça prend quand même un cours de... Ça se situe aussi... A-E-I-O-U. Hey, moi, j'adore. On va s'étendre sur le sujet. Josette, étends-toi. Oh, je m'étends. C'est le sujet. Ah, le bon sujet. Imaginez-vous, pardonnez-moi. Je ne sais pas ce que je fais. Lorsque j'essaie de trouver des filles, moi, qui ont des enfants de 10 mois, 11 mois, maximum un an. Pourquoi? Parce que je peux m'amuser avec eux. Avec qui? Avec les filles? Non, avec les enfants. Je peux leur faire des babibibobu. Là, ils te regardent avec des grands yeux. Ben, les pattes! Ça, j'ai fait ça avec la fille de mon ancienne blonde. Elle avait 17 ans. Je dis, baby bobu. Ouais, c'est ça. Elle fréquentait un hip-hop. Alors donc, elle aimait bien ça. Je faisais babibibobubé, à l'écarté, genre babibibobubé, à l'écarté autre chose. Alors donc, la Kamatchatka, découvert dans le détroit de Bering. Oh, c'est de là, virus Bering a inventé le détroit de Bering. Là, il l'a pas juste inventé, là. Il a dessiné, soi-disant, les mauvaises langues qui se sont pendues avec leur langue. Là. Et c'est pas la langue de chez nous, mes amis. Ce n'est pas la langue de chez nous, car elle n'est pas belle et qu'elle n'est pas superbe. Elle ne traverse pas l'histoire à travers ses accents. Elle n'a pas le goût d'herbe. D'herbe et de fruits de choran, de moran, de machin, de choran. Alors, l'histoire véritable de M. Vitus Bering, c'est celle-ci. Vitus était bouche cousue devant une Québécoise en 1979. Pas en 1681, 1741, là. De nos jours. Là, il y a eu la petite Québécoise, là, tout aguichante. Bonjour, là. Oh, j'ai des hautes études. Madame, vous n'avez pas juste des hautes études, hein? Oh, j'ai pas juste des hautes études. Je connais l'histoire de l'amour. Mon nom, c'est Vitus Bering. Oh, Monsieur Bering. Vous êtes bien détroit dans votre pantalon? Oui, ben oui. Je l'ai détroit de Bering. Et puis, je vous ai aidé à déberinger. Déberinger, ben, très cher. Puis, ce gars-là aimait bien rencontrer Virtus, là, parce que c'est all right, là. C'est parce que ces gens-là, là, parce que ces gens-là, ils n'osent pas, monsieur. Ils n'osent pas. Ils défermeturent et clarisent. Ils ouvertularisent, ils dépelisent, ils embouchalisent, ils assussotisent, ils envalalisent, ils demandent des ises. Plus ils demandent des ises, plus ils se jettent de petits sachises, et plus sachises, et plus sachises. Et lorsqu'ils arrivent à des heures incongrues, elles vous demandent « Oh, oh, père du sucre, qu'est-ce que tu fais ce soir? » Et là, tu dis « Ben, je bering. » »« Oh, vous beringez, je peux vous désobliger. »« Désobligez-moi, ma chère demoiselle, c'est votre métier. »« Oh, je n'ai point de métier, je n'ai que des tracas. » »« Alors, tracassez-vous devant moi, avec plaisir. »« I love you. » Les lois de la nature, le goût de l'amateur, aller droit dans le mur, en écoutant son cœur, la fin de l'aventure et la déconfiture, ça fait partie du jeu. Silence. Ces petits me manquent tellement. Comme petit enfant, je t'appelle maman. La nuit, je crois entendre ta voix. Normand. Oui. Est-ce que c'est vrai que tu as une femme? Oh, allez, je vous l'ai dit, dans le show, c'est une erreur judiciaire. Une erreur judiciaire, c'est une erreur judiciaire. J'ai l'air de me trier, moi. Colisse de tabarnak. Depuis que j'ai quitté mes amis, mon foyer, pour aller dans les bois m'exiler, j'ai perdu la gaieté et la joie de chanter, mais ton souvenir sait me consoler. Tous ceux qui l'ont connu avaient de l'amitié pour lui. Ce sont les gelées du printemps qui l'ont fait mourir. La neige avait couvert toutes les pistes et ils sont revenus en disant qu'ils n'avaient rien vu. À celui qui lira ce livre après moi, je vais entreprendre une action qui n'a jamais été entreprise ici au camp de Charlebois, en accord avec tous mes amis bûcherons comme moi. L'action est grave, mais j'ai bien réfléchi. Nous en avons assez d'être des animaux humiliés. Nous allons prendre des carabines et venger la mort de Baptiste Coulombe, notre ami mort en héros parce qu'il voulait être libre sur la terre d'ici. Si quelque chose m'arrive, que mon ami, le lecteur de ce livre, avertisse ma fille, Marie Chapdelaine de Chibougamau, à laquelle je n'ai jamais rien donné, mais à qui je laisse tout. Qu'il lui dise que son père était un pauvre homme, simple et ignorant. Qu'il avait honte d'être comme ça dans le monde aujourd'hui. Qu'elle lui pardonne si son cœur est bon. Tancred Chapdelaine. Bella ciao, bella ciao, bella ciao.

Les vilains noirs désirent un jour en France Giovanna Marini, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, la mania, zanzano. C'est aussi la version un peu plus bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, la mania. C'est soit triste ou pam la pam pam. L'orchestre de Melamour avec Françoise Hardy. Il n'y a pas d'orchestre, il n'y a que des belles symphonies. Le monsieur est en amour. En amour avec Françoise Barbie. Le temps de l'innocence. Et croyez-moi, il y en a passablement. Quoi, des innocences? Non, des innocents. Mais mon ami, Errance Rinaldienne doit cesser son émission pour quelques minutes. L'animateur, producteur, metteur en onde des cinglés notoires, Rénal Gagné, se voit dans l'obligation la plus pressante de prier pour vous. Brebis égalées. C'est quoi ça? Hey, on a du budget. Allez, encore brebis égarées. Brebis égarées. Comment tu fais ça? Ben, ça demande quand même 2 années de suppositoire. Suppositoire. Non, de conservatoire. Oh, le conservatoire dans le suppositoire. Et plus tu supposes, et plus tu es un notoire. Alors donc, on recommence. La brebis égarée, OK. De prier pour vous. Pauvre brebis égarée. Ouais, c'est merveilleux. Alors c'est vrai, on prie, on prie, on prie, on prie. Ok. Combien de temps on prie? Oh. Prions. Je vous salue. Salut, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Errance Rinaldienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animateur préféré. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Rénal Gagné, qui s'anime et s'enflamme pour une fougue vertigineuse depuis bientôt 5 ans. Cette émission de variété vous présente une véritable différence où l'excentricité et la création improvisatrice voltigent à travers les circuits cybernétiques. Vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive et c'est gratuit, contrairement à d'autres radios. On vous demande de l'argent! Ici, on ne vous demande pas une maudite scène, on vous demande une écoute rigolote, intensément introspective vers l'extérieur. Introspective vers l'extérieur, oui, oui, c'est ça. Je me rends à votre tour, M. Gagné. Oui. Veuillez pénétrer. Oh. Nous allons pas tendre un petit puzzle, s'il vous plaît. Nous sommes rendus à votre tour, M. Gagné. Oui. Veuillez pénétrer. D'accord. Nous allons attendre un petit peu. Vous pouvez devenir membre, et c'est gratuit, de cette transmission, transmission auditive. Grâce à Facebook, il vous suffit d'entrer Errance Rinaldienne sur le moteur de recherche de ce réseau social et vous serez ainsi instantanément adhérent de la grande famille et de la grande aventure qui vous arrive chaque semaine. D'un même élan, écrivez-nous pour nous laisser vos commentaires à rénalquebec@commercialhotmail.com, rénalquebec@commercialhotmail.com, à vos claviers. Vas-y, Christian, à ton clavier. Oui, oui, c'est ça. Ah ouais, Christian, clavier, clavier. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Boukafsi. Il faut jamais se casser le cou, cou, cou, cou, cou, cou, cou, cou. Pourquoi? Parce que cou, cou, cou, cou, attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. La voisine arrive nous autres parce qu'on avait 12 enfants. Alors, changer son fusil d'épaule. La star qu'elle en a autant, la perverse. L'attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'homme. C'est un serpent sonnette. Oh non. Réponds pas si ça sonne. OK. Le plaisir. Ça sonne pas. Ben oui, c'est la sonnette. Ben oui, mais ça sonne. On sonne pas. On répond pas. Ça me tue. Ça ne sonne pas. Le plaisir de l'homme, c'est de voir l'autre se le casser le cou. Tididon, tididon, tididou. Tididon, tididon, tadididou. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Je dois m'éponger, pardonnez-moi. Comme Louis Armstrong, mais moi, c'est avec mon gaminet. C'est quoi un gaminet? C'est un... C'est quoi? C'est un... Je ne peux pas le dire. C'est un mot anglais. Hanté. Hanté. Hanté, puis c'est petit. Hanté, petit. Petit, c'est quoi? En anglais, petit. Petit, petit, c'est... petit en anglais. Chaud. Non, short. Et sept en anglais. Seven short. Un seven short. Non, T. Un T, c'est T. Un T, et c'est petit. Short. Un T-shirt. OK. Alors, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Allons dans le Buck et puisons un mot. Nous sommes déjà un peu en retard. En retard de quoi? Ben, en retard de nous, là, parce que je ne veux pas non plus lasser les gens. 2h30 d'errance rénaldienne, c'est dur pour les oreilles. Je veux tenter de têter les tâtons du 120 minutes. Va-t-il arriver à tâter les tâtons du 120 minutes? Il va tâter les tâtons du 120 minutes. Il va tâter les tâtons du 120 minutes. Il va tâter les tâtons du 120 minutes. Il va tâter les tâtons du 120 minutes. Ha! Si papa savait ça, tralala. Ha! Si papa savait ça, tralala. Tâton le tâton, tâton le tâton, tâton la ton ton ton. Tâton le tâton, tâton la tâton, tâton la ton tâton. 120 minutes. Première phrase du début du nouvelle de Charles Bukowski. C'était un mardi après-midi au Hungry Diamond. Comme à tous les mardis, après 19h, c'est gratuit pour les dames. Et ça coûte quelques sous pour les hommes. Enfin, on peut les amener, les entretenir pendant une belle soirée. Ça ne coûte pas très cher en... cocktail. Et moi, j'aime bien les Molotov. Parce que Molotov, en début de soirée, tutti, tutti, tutti frutti, en fin de nuit. Alors, comme j'ai dit à mon barman, Johnny, je dis à mon Johnny, allez, vas-y, be good. Be good, mon Johnny. Parce que là, be good, là, il s'est donné le nom de Johnny dans la mesure où il n'avait pas de règles, il ne pouvait pas calculer. Ben là, parce que si c'est le Johnny, c'est combien Johnny? C'est deux bavettes comme... comment il s'appelle le chanteur, là? Dick Rivers. Ouais, c'est ça. C'est la talonnette au niveau du front. La talonnette. J'ai 2 mm de la talonnette et tout le reste dans le bras. OK, t'as la talonnette dans le bras, toi. Oh, mon Dieu. Alors donc, j'ai été avec Shirley, Dorothée, Malina. Il y avait Chloé aussi. Chloé... J'avais déjà cloué Chloé par « Reste ici, attends-moi ». Puis là, elle voyait des films américains, « Humphrey Bogart », puis « Humphrey Bogart ». Elle me disait toujours « J'adore Brad Pitt ». Ouais, mais comment ça tu dis « Humphrey Bogart »? J'ai jamais aimé « Humphrey Bogart ». Comment ça tu me dis « Humphrey Bogart, Brad Pitt », ça n'a aucun lien. T'es décousu, je pense que t'es au bout du rouleau. Hey, le rouleau, là, on va le changer, puis c'est du papier cul. Qu'est-ce qu'on fait avec le papier cul? On nettoie ses lunettes, on peut se boucher, on peut s'essuyer le bec, et le trou de pète, et l'allumette, et la bouche, et le nez, tout ça en même temps, hein? Trou de pète au début, le nez, après ça, oh, jambala, chante avec moi, jamais faire ça. Alors, j'avais dit Chloé. Tire-moi les cheveux blancs. Parce que son travail là, dans ma vie intime et personnelle, c'est de m'enlever tous les cheveux blancs. Et là, depuis quelque temps, je ne l'ai pas vu. Donc, j'ai quelques tiges et je lui demande sincèrement, Chloé, déclose-moi. Comment on fait pour décloser? Bien, premièrement, là, on éclose à l'intérieur du microcosme de Chloé, c'est-à-dire on lui demande sincèrement. Et là, elle ne vient pas parce qu'elle va dire, ah, il va me faire des affaires, lui. C'est un cochon, il m'a déjà invité chez lui. Je me suis mis à l'autre bout du divan. Je ne vais pas m'avancer vers lui. Je sentais qu'il voulait et je ne voulais pas qu'il sente que je sentais pas, que je ne voulais pas qu'il ne sente que je savais, qu'il voulait que je savais. Alors je me disais que si je ne le savais pas, je n'étais encore qu'une enfant et qu'une petite vagabonde. Et monsieur. Alors donc, les mardis, il y avait Shirley, Dorothée, aussi. Il y avait Mme Bonneau. Mme Bonneau. Incroyable jeune demoiselle. Qui cherchait son errant rénaldien? Et qui me disait régulièrement, « Moi, j'aime ça t'emmerder, mec! » Non, elle disait pas non, emmerder, elle, parce que c'est... Mme Bonneau, c'est une Belge. Elle me disait, « Tirlitwitter. J'aimerais bien te tirlitwitter. » J'arrête de je comprends pas tirlitwitter. Qu'est-ce que ça veut dire tirlitwitter? Tu ne connais pas Tintin? Je connais Tintin l'enchanteur, oui, et le Tintin ma boule, Tintin le v'là. Ah, je connais Tintin le v'là, lui. Hey, ça c'est dangereux ce mec là. Il prévient pas quand ça frappe. Oh non, Tintin le v'là. Ça vient de là, Tintin le v'là. Mais sinon, il vient pas quand on veut qu'il vienne là. Il vient quand il veut venir, lui. Puis quand il pénètre, il lâche pas. Il colle. Et quand ça colle, ça veut plus, ça ne veut plus, ça ne veut plus quoi? Ça ne veut plus partir. Mais non, ça ne veut plus décoller. Ah, ben c'est vrai, quand ça colle, ça décolle. Non, ça décolle pas. Pas toujours, ça dépend. Êtes-vous téflon? Téflon, téflon, êtes-vous téflon? Ben, je le téflon pas mal haut. Oh, on m'a dit que ramène des cheveux en bas du téflon. Pas tes fronts. J'ai pas parlé de ton front, là. Téflon, téflon, téflon, téflon. T'es surmené. Pardon? T'es surmené. Surmené. T'es surmené. Je surmonne quel mot? Non! Tu es surmené. Mené, le mené, le mené. Oh, le mené! Quand on voit la pêche, on a au bout de la ligne un... Un hameçon, un appât. Oui, mais un appât, c'est un... Un épais. Un épais, c'est un... Un mari. Non, non, non, c'est un mené, un mené, un mené. Quand tu tires la canne, tu tires pas la canne, tu tires la ligne. Si tu tires la canne, elle tombe dans l'eau. Puis là, le poisson s'en va avec la canne. Hé, mon insignifiant. T'as-tu déjà pêché, moi? Je ne suis qu'un pauvre pêcheur. T'as-tu... Moi, je tire tout le temps la canne. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Le poisson s'en va avec la canne. La canne est dans les feuilles est dans le trou. Le trou est dans le nœud est dans le nom est dans le mal est dans l'amour, l'amour est dans l'amour, la mal est dans le mal. C'est toujours de l'amour, dit avant. Moi, je suis pas naturiste, moi. Je me mets pas à poil pour rien. Il faut vraiment que ça vaille la peine. Parce que j'ai pas quand même un beau débile beau. Je suis un personnage assez laid, mais comme disait, la laideur attire la beauté. Et mais non, je suis pas très naturiste, moi. Je tire pas la ligne comme je veux. J'aimerais bien. Je suis tout le temps avec l'hameçon qui s'accroche partout. Ben, surtout partout. Plus qu'elle s'accroche partout, plus qu'elle s'amuse. Qui ça? Ben, l'hameçon. Dans les partouses. OK. Dans, tu te dévoiles. Ben, en fait, c'est pas moi qui me dévoile, là. C'est l'hameçon. Mais sinon, là, quand je tire la canne à pêche, elle-même, elle pêche. Hein? Elle s'en va, puis elle plonge. Puis le poisson arrive, le brochet. Un espèce de gros brochet québécois qui s'empare avec ses grandes dents, là, comme Brélienne, et qui dit « Dans le port d'Amsterdam, il y a des brochets qui montent et remontent jusqu'à l'autre unisson. Ils montent dans les ports d'Amsterdam pour manger les putes d'Amsterdam. Dans les putes d'Amsterdam, il y a des petits rêveurs, des rêveurs qui amènent leur argent et leurs sous pour donner un peu de misère et de révolte à ces petites filles qui ne cherchaient pas d'amour dans les ports d'Amsterdam, dans les ports d'Amsterdam. C'est pas dans les ports, c'est dans le port. Non, mais moi, les porcs, là, je parlais des gens qui vont voir les filles à Amsterdam. Ah, c'est des vrais porcs. Ah, mon Dieu. Donc, le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, on ne le saura pas, je ne l'ai même pas écrit. Je ne l'ai même pas écrit. Quel individu bizarre, louche, venu d'ailleurs, qu'on n'aime peut-être pas tant que ça. Ah. Vous lisez en moi comme dans un livre. Un livre grand ouvert. Défensive, transparente, linéaire. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Un zeste de bluff suffit-il pour trouver vos clés? Quand on surfe par les vagues sans cesse, vous ne mettez pas vos points sur mes. Je suis en manque d'a priori. Vous ne me dites ni non, ni oui, ni rien de tout ce qui trahit. Je perds le fil, je perds l'esprit. Je ne vous aime pas. Savoir vivre, je n'en ai rien à faire. Tududum. Qu'un électrochoc nous délivre de ce mortel transfert. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je vous aime pas, je ne vous aime pas. Voix off à mes heures de lucidité. Philosophe, si je m'aime, je tombe. Je ne mettrai pas mes points sur vous. Tous mes secrets sont bien enfouis. Et tant pis si je m'évanouis devant le flash qui m'éblouit de votre enviable. Je ne vous aime pas. Me détacher ou bien vous suivre. Même combat, même enfer. Qu'un électrochoc me délivre de ce mortel transfert. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. J'ai vu trois soucoupes volantes. Traite comme je vous vois. C'était il y a 10 ans, ça. Elles étaient vertes puis phosphorescentes. Ils sont restés là, immobiles, sur la tête des sapins. Et ils sont restés là au moins 10 minutes. Je les ai regardés. Hypnotisés. J'étais hypnotisé. Je pouvais plus bouger, je pouvais plus parler. Je pouvais plus rien. J'étais comme paralysé. Arrête, sinon tu me fais peur. J'aime pas ça, cette affaire-là, moi. Ça me travaille en dedans. J'aime donc pas ça. Puis là, tout à coup, il y a un grand jet de lumière verte qui a frappé le camp. Comme un éclair. Puis là, j'ai entendu un grand bruit sourd. Comme un bruit de tonnerre. Et j'imagine que tu vas nous dire que le lendemain, t'as trouvé ton curé de Chapdelaine mort, la face dans la neige. C'est ça. Calice de tabarnak, nous prends-tu pour des valises pis des caves, toi? Tu vois vêtre tout partout pis des rayons de la mort, qu'est-ce que c'est ça? Laissez donc tranquille, Armand. On sait jamais ce qui peut arriver. La vie est étrange. Ça se peut. Tu t'en viens folle, toi aussi, je crevais. Ouf. Les cuisiniers puis voient les soucoupes, c'est normal. Toi, les faces plates, arrête ça, hein? Monsieur l'Espérance, moi, je vous crois. Mais pouvez-vous me répondre et me dire qui c'était Baptiste Coulonge? Pourquoi mon père et les autres ont pris des carabines? Pourquoi, Monsieur l'Espérance? Oh non, c'est fini. C'est fini, il dira plus rien. Je le connais, moi. Il peut rester des mois de même sans parler, assis tout seul dans son coin. Tiens, passe-moi une tranche de perle, moi. Ouais. Moi, on dit que ça fait longtemps que j'ai pas mangé quelque chose de bon de même. C'est parfait, ça. Ah oui. C'est vrai, sont bonnes tes crêpes. Merci. Tu manges pas? T'aimes pas m'en manger? Pourtant, avec un petit dans le corps, tu devrais te forcer. Du lait, du calcium, t'en as besoin. Oh, je peux pas, Blanche, je peux pas. C'est pas que j'aime pas te manger, j'ai un petit peu mal au cœur. Je pense que je vais accoucher, là. Hein? Hey, énerve-moi pas, toi, là. Je suis assez énervée de même. Non, mais sérieusement, veux-tu que je te fasse bouillir de l'eau? Non, non, ça va aller. Armand, tu sais ce que j'aimerais? C'est retourner à Montréal. Tourner à Montréal? Oui. Oui, ben, tu sais, on est tout seul, les gars, on mange. Tourne pas à Montréal. Pense à ça, là, si on faisait un party. Ça, c'est une bonne idée. On va faire un party. Hein? As-tu compris, tu noir? On fait un party. Tu vas t'amuser comme un petit fou. Fini la tristesse. On danse. Ben voyons donc. On est quand même pour fêter la mort de son père. Pourquoi pas? Garde-la, elle. T'as pas de peine. On a tous besoin de quelqu'un sur qui s'épancher, d'un être à quoi se pendre pour se raccrocher. Tu comprendras quand tu abandonneras la philosophie pour aborder de plus grandes questions sur le pourquoi de la vie. Je suis juste un rubis pour toutes les femmes du monde, juste un éclat de joaillerie pour ne pas qu'elles se morfondent. D'état d'esprit, problème d'intendance. Je suis juste un rubis pour toutes ces femmes du monde, juste un éclat de joaillerie pour ne pas qu'elles se morfondent. Tu vois, je ne me dégonfle pas, ne me traite pas de peau mouillée. Je suis juste un rubis pour toutes les femmes du monde, juste un éclat de joaillerie pour ne pas qu'elles se morfondent. Je suis juste un rubis pour toutes les femmes du monde, un éclat de joaillerie pour les brunes, les roses, les blondes. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave